horizon ou dans une autre langue, contactez-nous à notre adresse email qui est vsf1000@hotmail.fr. Là, vous pouvez nous écrire et aussi donner des remarques. Et si vous voulez rejoindre l'équipe qui en ce moment est Faisal, Saïd, Gwendoline, Anas, Céline et moi-même, vous êtes le bienvenu. La Voix sans frontières est diffusée le quatrième samedi du mois et rediffusée 2 semaines après. Donc voilà. Bienvenue. مرحبا بكم معنا على أمواج راديو بانيك في برنامجكم الشهري صوت بلا حدود. صوت بلا حدود يعطي الكلمة لمهاجرين الغير الشرعيين، يذيع الأخبار، يخلق نقاشات ويجمع شهادات حول نضالات المهاجرين الغير الشرعيين، ولكن أيضا حول حياتهم اليومية. نشأت فكرة هذا البرنامج من مناقشات وحوارات للوصول إلى أهداف الاعتراف بحقوق المهاجرين الغير الشرعيين ولخلق مجال للنقاش واللقاء. يذاع البرنامج باللغتين العربية والفرنسية. صوت بلا حدود يشير إلى صوت وأراء المهاجرين الغير الشرعيين وكذلك إلى طريق بدون حدود. نرحب بكل من يريد المشاركة معنا والانضمام إلينا. فريق البرنامج: سعيد، فيصل، أنس، مايكا، سيلين، غوندولين والتقني غيوم. يذاع البرنامج كل أسبوع رابع من كل شهر ويعاد بعد أسبوعين. للمشاركة في البرنامج الاتصال بالرقم 02-73-20-450 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني vsf1000@hotmail.fr. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Panique, c'est la Voix sans frontières. Aujourd'hui, on va faire un retour dans notre émission sur la soi-disant campagne de régularisation 2009. Commencée en 2009, des dizaines de milliers de sans-papiers ont introduit une demande pour régulariser leur situation administrative. 10 critères ont été définis par un accord politique. En septembre 2010, l'administration a annoncé que les traitements de ces dossiers pourront prendre plusieurs années, jusqu'à fin 2011, voire 2012. Dans notre émission Voix sans frontières, nous allons donc aborder ce sujet et le remettre en actualité, car beaucoup des sans-papiers s'inquiètent sur le sort de leurs demandes, et plusieurs témoignages confirment que des sans-papiers en cours de régularisation ont été expulsés alors qu'ils attendaient encore la réponse. Nous allons aussi parler de la farce de la régularisation par le travail, de la dernière réunion de la comité de suivi et les chiffres publiés, les erreurs commises, entre autres les tentatives crédibles. Nous consacrons aussi une partie aux perspectives de l'avenir. Alors, bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer avec notre invité, voici quelques chiffres communiqués par l'Office étranger. Alors, en 2010, il y a 24 199 personnes régularisées et, entre parenthèses, il y a 15 426 décisions positives et 7 866 négatives. En l'année 2009, il y a 14 830 personnes régularisées, entre parenthèses, il y a 7 194 décisions positives et 6 186 négatifs. Actuellement, il y a plus de 2500 dossiers traités par mois par l'Office étranger. Plusieurs dizaines de milliers de dossiers de régularisation en cours de traitement. Instruction en 2009 et hors instruction, un peu plus de 1000 régularisations par le travail, permis plus titre de séjour. Courrier envoyé par l'Office étranger, il y a 2048, en parenthèse il y a 1011 en Flandre et 863 à Bruxelles, et il y a aussi sur côté Wallonie, il y a 172. Pour le permis de travail octroyé Wallonie, il y a entre parenthèses 108 au 13 janvier à Bruxelles, il y a 325 au 15-11 Flandre, il y a 267 au 6-12. Alors pour profiter de l'occasion pour présenter notre invité, avocat Alexis Dissoif, avocat cabinet de quartier de Liberté. Bonjour monsieur Alexis. Bonjour. Alors vous pouvez nous présenter vous-même pour notre écouteur, notre groupe. Je vous en prie. Bonjour à tous, donc je suis avocat à Bruxelles depuis 17 ans et je travaille au sein du cabinet d'avocats du quartier des Libertés, spécialisé en la défense des droits de l'homme, les droits fondamentaux au sens large, l'accès à la justice et donc forcément la défense des sans-papiers et des demandeurs de régularisation, raison de ma présence parmi vous aujourd'hui. Alors, première ma question, c'est quoi le rôle du comité de suivi ? Alors, le comité de suivi, pour rentrer directement dans le vif du sujet sur la régularisation, comme le mot l'indique, c'est pour suivre la bonne exécution de l'instruction du 19 juillet. Donc le comité de suivi se réunit une fois par mois et aborde en fait de manière générale le suivi de l'instruction de régularisation, les problèmes pratiques qui se posent, ainsi que sur des dossiers individuels qu'on peut soumettre au comité de suivi où on a l'impression que l'Office des étrangers n'a pas exécuté loyalement l'instruction dans l'esprit voulu à ce moment-là par le gouvernement. Et ce comité de suivi permet, dans certains cas, de rattraper des dossiers qui allaient être négatifs ou de faire retirer des décisions négatives et aussi, de manière générale, d'émettre des lignes de conduite pour l'Office des étrangers en accord avec toutes les parties parce qu'il est composé tant de représentants de l'Office des étrangers que de représentants du monde associatif ou de représentants du barreau, tant du côté flamand que francophone, des avocats siègent dans le comité de suivi. Et ainsi, la politique générale peut être affinée pour les dossiers de régularisation. Parce que, pour revenir sur le rôle en tant qu'avocat par rapport au dossier de régularisation, ce rôle est double. Il y a d'abord, et on est toute une série d'avocats, on est quand même un nombre assez conséquent, même si ça aurait été mieux d'être encore plus mobilisés sur la cause, mais des avocats on s'engage au niveau collectif, donc on s'est battu depuis des années aux côtés des sans-papiers, et j'aimerais revenir, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur l'historique de la régularisation, parce que c'est un domaine où les sans-papiers ont pris en main leurs droits. Ils se sont battus pour obtenir certains droits, pour obtenir la possibilité d'être régularisé. Et c'est un bel exemple dans l'histoire récente où les personnes sans droit se battent pour obtenir les droits, leurs droits. Et les avocats étaient à leur côté de manière collective et se sont battus pour proposer des circulaires de régularisation, enfin une loi, parce que c'était ça la demande du barreau, c'était que pour quitter le flou et l'arbitraire, les critères de régularisation soient inscrits dans la loi. Et donc il y a eu un combat collectif des avocats aux côtés des sans-papiers. Et puis les avocats sont évidemment aussi investis individuellement pour la défense de leurs clients, où ils assistent une personne pour son dossier en particulier. Et c'est pour ça que je dis que l'engagement est à deux niveaux. Il y a l'engagement collectif pour essayer qu'il y ait un système juste, équilibré, qui peut bénéficier à tous, de par notre expertise. Et puis, à côté de ça, le second volet, c'est la défense individuelle. C'est une personne sans papier qui vient dans nos bureaux et qui explique son cas. Je suis en Belgique depuis telle année, j'ai fait ça, j'ai tenté telle procédure, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, avec la personne, on complète son dossier, on introduit son dossier et on s'occupe du suivi du dossier individuel. Voilà au niveau des deux niveaux. Mais parce que vous avez dit que vous avez battu et fait un combat pour cette campagne de régularisation, mais il y a quand même pas mal des conditions qui créent quand même une exclusion pour certaines personnes. Comme par exemple, est-ce qu'il y a vraiment eu une volonté politique pour régulariser aussi les personnes en situation irrégulière, ou est-ce que c'était plutôt pour donner une deuxième chance pour ceux qui ont fait une demande d'asile aussi il y a plein de critères comme le tentative crédible. Là, on voit quand même aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont surtout de certaines nationalités maghrébins qui n'ont pas le droit même de demander un asile. Et allez, donc Mais effectivement, on s'est d'abord battu pour avoir des critères, et c'était la revendication des sans-papiers qui s'étaient regroupés en collectif, qu'il y ait des critères clairs de régularisation pour abandonner l'arbitraire. Il faut se souvenir qu'en, je crois que c'était en 2004, le Conseil d'État a rendu un arrêt, donc le Conseil d'État c'est la cour administrative la plus élevée en Belgique, hein, c'est notre cour administrative suprême si on peut dire. Le Conseil d'État a dit dans un arrêt que la régularisation, à l'époque on parlait de l'article 9.3, c'était l'arbitraire institutionnalisé. Ce n'est pas rien comme expression, c'est vraiment dire qu'effectivement il n'y avait pas de critères, c'était le flou artistique, et on se rendait compte que dans certains cas un dossier passait et dans d'autres cas similaires le dossier ne passait pas. C'est pour mettre fin à ça qu'on réclamait une loi. Malheureusement, on ne s'est même pas retrouvé avec une loi, ni avec un arrêté royal. On nous a promis une circulaire dans l'accord de gouvernement de mars 2008. Ils avaient promis une circulaire. Finalement, on n'a même pas eu une circulaire. On a eu une instruction. Vous vous souviendrez du débat qui opposait très fort les partis flamands aux partis francophones et les partis conservateurs contre les partis progressistes. Ils ont finalement, après une longue crise et plus d'un an d'immobilisme à l'époque où Mme Turtelbaum était secrétaire d'État ou ministre d'Asile et Migration, plus d'un an d'immobilisme, enfin cette instruction est sortie et le but du gouvernement était d'éviter le débat au Parlement. Ils ont eu peur d'affronter le Parlement parce que, visiblement, dans le nord du pays, il n'y avait pas une majorité au Parlement pour appuyer un texte légal. Une loi ou un arrêté royal aurait eu l'avantage d'une plus grande sécurité juridique. On s'est retrouvé donc avec l'instruction du 19 juillet 2009, statut juridique un peu incertain. Le plus faible, je dirais, dans la hiérarchie juridique, c'est vraiment le bas de l'échelle. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, suite à un recours introduit par le Vlaams Belang, a annulé l'instruction du 19 juillet en date du, si mes souvenirs sont bons, le 12 décembre ou le 13 décembre 2009, deux jours avant l'expiration du délai pour introduire les dossiers. Ils ont annulé justement parce que le Conseil d'État estimait que cette instruction apportait des modifications à la loi. Or, il n'y a qu'une loi qui peut apporter des modifications à une loi. Et ça montrait que le gouvernement avait fait le mauvais choix en choisissant cet instrument juridique beaucoup trop léger qu'est l'instruction. Et donc, on se trouve dans une insécurité juridique où l'instrument légal est annulé et où le ministre en charge, M. Wathelet, de toute bonne foi, dit « Je m'engage à respecter l'esprit de l'instruction ». C'est bien, mais ce n'est pas entièrement rassurant parce qu'on est dans une négociation gouvernementale qui nous dit que le prochain ministre en charge, imaginons le pire, que ce soit un ministre NVA du parti de droite flamand, du parti nationaliste flamand, il pourrait ne pas avoir la même loyauté que le ministre Wathelet tel qu'il s'y est engagé. Et il n'y aurait aucune sécurité juridique pour les personnes qui n'ont pas encore reçu de décision. Il pourrait y avoir, pour le dire simplement, un tour de vis. Alors revenons sur ces critères de régularisation. C'est clair que ces critères n'ont pas été aussi loin que les avocats, les associations et les collectifs de sans-papiers le souhaitaient. Ils n'ont pas été aussi loin et beaucoup de ces critères sont des critères temporaires. Nous nous étions battus pour avoir des critères permanents. Et tout le critère, par exemple, sur l'ancrage local durable, 50 séjours en Belgique, le 2.8a pour ceux qui ont en tête encore l'instruction, ou la régularisation par le travail, le 2.8b pour ceux qui sont en Belgique depuis avant mars 2007, ces critères-là, malheureusement, sont des critères temporaires qui expirent après le 15 décembre 2009, donc si quelqu'un introduit un dossier maintenant en disant « moi ça fait 5 ans que je suis en Belgique, ancrage local durable, en ayant à l'esprit l'instruction du 19 juillet 2009 », ce ne sera pas recevable parce qu'il est en dehors du temps qui avait été mis. De 3 mois. Alors là, je rentre un peu dans la technique. Il y a un arrêt du Conseil du contentieux dans un dossier individuel qui dit, c'est un sans-papier qui a introduit son dossier un jour trop tard. Il a introduit son dossier le 16 décembre 2009. Ça doit probablement être une erreur de l'avocat qui a introduit le dossier un jour trop tard. Il a reçu une décision négative. L'avocat a fait un recours au Conseil du contentieux en disant, mais cette date butoir du 15 décembre 2009, elle ne peut pas avoir pour résultat de donner une décision négative à mon client parce que le Conseil d'État a annulé l'instruction, justement. Et le Conseil du contentieux a donné raison à la personne en disant « Votre demande doit être instruite, vous pouvez bénéficier des critères ». Évidemment, ce serait une très très bonne nouvelle pour les sans-papiers. La nouvelle est tellement bonne que le gouvernement belge a décidé d'aller en appel contre cette décision et le Conseil d'État devra se prononcer. J'ose espérer que le Conseil d'État confirmera cette jurisprudence parce que ça permettrait en quelque sorte de rattraper les personnes qui ont été exclues ou en tout cas un certain nombre de personnes qui ont été exclues de la régularisation de 2009. Alors, si on a bien compris, c'est une bonne nouvelle pour les sans-papiers qu'ils ont le même problème, quoi. Oui, mais il faut, à condition que cette décision favorable du Conseil du contentieux soit confirmée par le Conseil d'État, et là, c'est pas encore gagné. Et probablement qu'on aura la réponse que dans un an, hein, parce que la justice, malheureusement, parfois, est trop lente. Mais les critères, effectivement, vous parliez des tentatives crédibles, je crois que c'est... un point très très sensible. Mais avant de parler des tentatives crédibles, on peut peut-être vite rappeler les critères. Il y avait les critères permanents. Donc il y a toujours les critères permanents, mais c'est plutôt ceux qui ont fait une demande d'asile au départ. Hein. Et je me souviens, moi, de tous les débats qu'on a eus avant que l'instruction soit là. Il y avait une crainte dans le milieu, dans le mouvement des sans-papiers, que les anciens demandeurs d'asile soient finalement opposés aux clandestins, comme on les appelait à l'époque, ceux qui n'avaient jamais rien demandé. Je pense aux beaucoup de Maghrébins, par exemple, qui sont venus pour travailler en Belgique et qui n'ont jamais demandé l'asile. Et certains disaient même que cette distinction qui créait des tensions parmi ces différentes catégories de sans-papiers, c'était pas innocent dans le chef des autorités, finalement, d'opposer les deux blocs, parce que ça a un peu divisé le mouvement des sans-papiers, malheureusement, sur la fin du combat. Mais les critères permanents visent donc plutôt ceux qui ont introduit une demande d'asile quand ils sont arrivés en Belgique et qui ont eu ce qu'on appelle une procédure déraisonnablement longue. Hein, là, il y a différents critères avec des durées de procédure, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais ça, ce sont des critères permanents. Donc si maintenant, aujourd'hui, il y a un demandeur d'asile qui a sa carte orange depuis 4 ans parce qu'il est arrivé début 2007 et qu'il n'a toujours pas de décision définitive sur sa demande d'asile, il est régularisable, séjour définitif. Ou s'il arrive à un délai avec procédure au Conseil d'État compris ou avec éventuellement comptabiliser sa demande de régularisation après sa demande d'asile à 5 ans ou 4 ans s'il a des enfants, il peut être régularisé encore aujourd'hui s'il introduit sa demande de régularisation. C'est ce qu'on appelle un critère permanent. Un auteur d'enfants belge, comme ils disent de manière fort peu romantique à l'Office des étrangers, donc un papa ou une maman d'un enfant belge, il est évident qu'il est régularisable parce qu'on ne va quand même pas expulser la maman ou le papa d'un enfant belge qui a donc un droit illimité au séjour en Belgique. On ne va pas diviser la famille, ce serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc un auteur d'enfants belge, c'est un critère permanent. Sans raison humanitaire alors. Pardon ? C'est aux raisons humanitaires. Tout à fait. Hein, c'est les raisons humanitaires au sens large. Et donc, si aujourd'hui, un sans-papier qui... la vie est parfois plus forte que toutes les règles qui peuvent être édictées par l'Office des étrangers, il rencontre la femme de sa vie dans les rues à Bruxelles. Ils vivent ensemble, ils ont un enfant, et l'enfant... est belge, non pas, et ça il faut peut-être le répéter, c'est pas parce qu'un enfant naît en Belgique qu'il est belge. L'enfant est belge parce qu'un de ses auteurs est belge. Et donc si la maman était belge et elle a un enfant avec un sans-papier, l'enfant est évidemment belge et le papa sans-papier peut être régularisé. Ce n'est que normal. C'est d'ailleurs un critère de régularisation qui existait déjà bien avant l'instruction. Mais donc tout ça pour dire, c'est les critères permanents qui sont encore d'application aujourd'hui. Moi, j'avais juste une petite question parce que tu dis à un certain moment que comme les Maghrébins qui viennent ici pour travailler et non pas faire une demande d'asile, mais le fait c'est que quand ils vont voir un avocat, l'avocat dit vous ne tombez pas dans des conditions, donc ça vaut même pas la peine pour faire une demande. Donc, tout à fait. Donc, mais ça, c'est, ce que vous dites là est très important pour les tentatives crédibles. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un, un Marocain, qui arrivait en Belgique en 2006 et qui vient me voir au bureau en 2006, quelques mois après son arrivée. Il dit « Voilà, moi, je travaille dans un restaurant, je fais la plonge au noir, forcément, vu qu'il ne peut pas travailler officiellement. » et il est obligé de travailler au noir. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas dépendre du CPS. Hein, on dit toujours, oui, les sans-papiers, ils viennent allonger les fils des CPS. Ce n'est pas vrai, ils n'ont pas droit à l'aide du CPS. Donc quand quelqu'un me dit, oui, tous ces sans-papiers qui viennent tous au CPS bénéficier de l'aide sociale, c'est faux. Les sans-papiers, par définition, ils n'ont pas droit au CPS, ils n'ont pas le droit de travailler officiellement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est travailler en noir, des boulots que bien souvent les Belges ne veulent pas faire, hein, dans l'horeca, dans la construction, dans le secteur du nettoyage. Revenons à ce Maghrébin, ce Marocain qui vient à mon bureau en 2006 ou 2007, disons 2006. J'en ai eu comme ça. Et il me demande, ah, on m'a dit qu'il y avait un article de loi, article 9.3 ou 9 bis, où on peut faire une demande de régularisation. Je dis, mais vous êtes en Belgique depuis 6 mois, vous travaillez, ça ne sert à rien de faire une demande. C'est presque lever votre doigt en l'air et dire au ministre, je suis ici, venez me chercher pour m'expulser, parce que ça, 100% des cas, ce sera une réponse négative. Ils pourront venir vous chercher après à l'adresse que vous avez dû indiquer. Vous aurez dû joindre à votre demande la copie de votre passeport. Donc ils sauront vous expulser facilement. Donc moi, dans un cas comme ça, je donnais une consultation négative. En disant « ça sert à rien, parce que c'est presque le ticket retour assuré pour votre pays d'origine ». Mais est-ce qu'il recevait un preuve de ça ? Alors, après, évidemment, quand l'instruction de 2009 est sortie, dans le critère 2.8a, ancrage local durable, il fallait 50 séjours en Belgique au 15 décembre 2009, savoir avoir soit eu un séjour légal, par exemple comme candidat réfugié ou comme étudiant, un séjour légal, soit avoir fait une tentative crédible de régularisation. Et c'était quoi une tentative crédible de régularisation ? C'était avoir introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9.3 ou 9 bis. Et là, pour revenir à notre exemple de notre ami marocain qui débarque en Belgique en 2006, il aurait été pénalisé parce que son avocat lui a déconseillé, à juste titre à ce moment-là, de faire une demande de régularisation. Et qu'est-ce qui a été ajouté dans la loi ? Et donc cet ajout de tentative crédible, c'était pour aider les gens qui sinon allaient tomber du bateau, c'est de dire, eh bien, que l'avocat qui a donné cette consultation négative, moi en l'occurrence, et j'ai fait quelques attestations en ce sens-là pour des personnes qui m'avaient consulté à l'époque, donc après 2009, quand les gens sont revenus chez moi en disant « mais j'étais venu vous voir en 2006 et vous m'avez dit de ne pas faire une demande de régularisation ». Je retrouve mes notes, pas de problème. Je fais une attestation en disant « je sous-signé, avocat Alexis de Soif, atteste par la présente, avoir reçu en consultation monsieur Mohamed Machin et pour une question de régularisation de son séjour en Belgique. Vu sa situation personnelle et la législation existante, je lui ai donné un avis négatif sur les chances de succès et déconseillé d'introduire une procédure de régularisation, une demande de régularisation. » Et je signe. Et avec cette attestation-là, il l'a joint à sa demande de régularisation qu'il pouvait introduire sur base du critère 2.8a et c'est considéré comme une tentative crédible d'obtenir un séjour légal en Belgique. Donc, ça permet de rattraper les personnes. Mais évidemment, pas tous les avocats ont fait ça, je pense. Et aussi, parce qu'il y a souvent, les avocats ne retrouvaient plus dans c'est dans un problème ou très concret qui s'est passé. Moi, j'ai vu des gens comme ça débarquer chez moi, qui disent « moi, j'ai consulté tel avocat, mais il ne se souvient pas de m'avoir vu ». Et là, effectivement, c'est une faiblesse. Alors, je sais qu'il y a des associations aussi qui peuvent faire les attestations, des associations comme le CIREAS ou le CIRE qui ont vu en consultation des personnes ils ou ont le foyer déjà le dossier dans leur archive, et qui dans leurs archives retrouvent la fiche d'entretien. Moi, quand une personne vient à mon bureau, j'ai toujours une fiche d'entretien et donc c'était facile de retrouver la fiche d'entretien et de faire une attestation sur cette base-là. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu obtenir l'attestation comme quoi ils s'étaient renseignés. On pouvait aussi avoir comme attestation une autorité locale, par exemple un échevin qui tient une permanence sociale et qui reçoivent des sans-papiers à leur permanence. Les gens demandent « est-ce que je peux être régularisé ?» L'échevin qui connaît un peu la matière dit « ben non, vous n'avez aucune chance d'être régularisé ». S'il tient des fiches de ses entretiens, eh bien, moi j'ai vu dans des dossiers des échevins qui avaient dit « ben voilà, effectivement, moi j'ai vu telle personne en 2006 ou en 2007, il m'a posé des questions sur la régularisation, je lui ai déconseillé parce que la loi ne le permettait pas ». Et cette attestation a permis de rentrer dans le critère 2.8a et d'être régularisé sous le vocable, donc avec cette appellation « tentative crédible ». C'est l'illustration vraiment d'une disposition qui devait... Et je pense à juste titre et en toute bonne foi, les décideurs politiques ont cru que ça allait pouvoir rattraper des dossiers et faire finalement que des clandestins qui n'avaient jamais rien demandé puisse aussi bénéficier de ce critère de régularisation-là. Malheureusement, dans la pratique, on est déçu des résultats parce que moins de gens qu'espérés peuvent apporter la preuve des tentatives crédibles. Et alors là, on parlait du comité de suivi tout à l'heure. Le comité de suivi a dû fort insister parce que l'Office des étrangers avait une interprétation extrêmement stricte de l'appellation tentative crédible et refuse encore parfois certaines attestations qui, à mon sens, devraient passer comme tentative crédible. Mais ces dossiers-là, il faut absolument alors demander à son avocat ou inviter les gens d'aller voir des associations pour qu'on soumette le dossier au comité de suivi pour qu'on puisse éventuellement obtenir le retrait de la décision négative et qu'on prenne une nouvelle décision. Parce que une décision négative est toujours susceptible d'un recours au Conseil du contentieux des étrangers, mais la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers est vraiment très très sévère, et donc parfois faire le recours parce qu'on n'a que 30 jours pour le faire, c'est une obligation, mais soumettre son dossier au comité de suivi peut être très utile aussi. C'est juste, il y a quand même un arrêt de Conseil contentieux des étrangers qui dit que la régularisation ne peut pas être refusée parce que la tentative crédible n'a pas été considérée comme sérieuse. Est-ce qu'on peut pas... Tout à fait, mais ça fait partie de... J'ai juste une petite question, c'est la même sens, mais en fait, est-ce que vous pensez que l'Office étranger accepte cette attestation? Parce que moi, j'ai un cas d'un Marocain qui est en Belgique depuis 30 ans, et elle n'a jamais traduit une demande ni en 1999, et parce qu'elle peur, parce qu'elle marche toujours avec faute d'identité, et elle ne déclare jamais leur vraie identité. En même temps, la seule consultation qu'elle a fait avec une association, et l'association, elle a vraiment donné elle a de la chance d'avoir cette attestation, mais que la traduire la demande en 2009, et le premier qui a eu le refus, c'est lui, parce que je trouve bizarre, parce que même son âge, il est maintenant il a 60 ans maintenant, au plus 30 ans en Belgique, et là le refus. Comment vous le refus était basé sur quoi? Je sais pas, ils disent que cette attestation, c'est pas valable pour une tentative crédible. Il faut voir quelle association, évidemment, si c'est une association, je dirais. D'une association de joueurs de billard, ça va pas marcher. Il faut que ce soit évidemment une attestation d'une association qui travaille autour de la loi sur les étrangers, autour des étrangers, et qui a une expertise juridique. Hein, toute association ne peut pas dire, voilà, il est venu demander des papiers chez nous, si l'association n'a aucun lien avec la matière. Mais donc, si c'était une association spécialisée sur le droit des étrangers, normalement, l'attestation doit être reconnue et efficace. Et donc, une personne comme lui, il y en a comme ça qui sont depuis 10, 15, 20 ans ou plus en Belgique et qui n'ont jamais rien demandé et qui n'ont même pas été voir des associations. Bon, on peut le regretter parce qu'il y a quand même eu l'opération régularisation en l'an 2000. Il y a eu une deuxième opération en 2009. À un moment donné, il faut oser sortir du bois, je pense, et aller se renseigner. Aller se renseigner, donc, du coup, chez qui? Chez des associations spécialisées, chez des avocats. Et il aurait été dans une autre situation. Mais c'est quand même la peur, vraiment, hein, parce que aussi, ouais, parce que maintenant aussi, il y a des gens dans centres fermés à cause qu'ils ont déclaré qu'ils ont été plus anonymes et ils ont, tu vois. Tout à fait. Alors, d'abord, les personnes qui n'ont pas eu cette tentative crédible, donc et qui ne peuvent pas bénéficier du 28A, même s'ils sont depuis plus de 5 ans en Belgique, ils tombent dans la catégorie 28B. La régularisation par le travail, ceux qui n'avaient pas fait de tentative crédible, et ceux-là, la difficulté, c'est qu'ils doivent avoir un contrat de travail. On parlera probablement encore plus tard de la régularisation par le travail. Mais pour venir à la question sur les centres fermés, le ministre s'était engagé, déjà depuis juillet 2009, quand l'instruction est sortie, que les personnes qui étaient en centre fermé et qui pouvaient entrer dans les conditions de l'instruction allaient être libérées. Et effectivement, les gens qui étaient dans les centres fermés, le centre 127 bis, 127, Merksplas, Bruges, il y a eu des libérations pour que les personnes puissent introduire leur dossier. Moi, j'ai eu personnellement 3 clients qui étaient à ce moment-là en centre fermé. J'ai envoyé une lettre à l'Office des étrangers en disant « ils sont dans les conditions de la régularisation, ils doivent pouvoir sortir pour introduire la demande, on les a libérés ». Donc, après, il y a eu des gens qui ont été arrêtés lors d'un contrôle. Ils avaient fait une demande. Moi, j'ai eu personnellement 2 de mes clients qui ont été arrêtés alors que j'avais fait pour eux une demande de régularisation. Mais la demande de régularisation était encore bloquée à la commune pour le contrôle de résidence avant que la commune envoie le dossier à l'Office des étrangers. Et donc, une fois que l'Office des étrangers a eu la preuve que la demande avait été valablement introduite, ils ont libéré les personnes. Alors, maintenant, on arrive à l'autre cas de figure, des personnes qui ont introduit des demandes de régularisation, qui n'ont pas encore vraiment eu la réponse. La réponse a été rendue, mais on ne l'a pas encore notifiée à la personne, donc elle n'a pas encore signé pour réception. Et elle se fait arrêter lors d'un contrôle de police, tout bête, dans le métro, etc. Et la police voit qu'elle est en séjour illégal, l'emmène au poste, téléphone à l'office des étrangers, l'office des étrangers dit « Ah, mais pour cette personne, il y a une décision négative ». La personne ne le savait même pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui notifier la décision négative et la décision privative de liberté, et on va la mettre au centre fermé. Et pour cette personne-là, la situation est effectivement extrêmement difficile, parce que... Mais donc il n'y a même pas le recours qui est possible, il n'y a rien. Donc alors, il faut savoir qu'effectivement, le recours contre un refus de régularisation n'est pas un recours suspensif. Ouais. Et c'est ça tout le problème juridique, c'est que quand ce n'est pas un recours suspensif, ça ne va pas libérer la personne, parce que la décision négative... La différence entre un recours suspensif c'est que, et un recours non suspensif, c'est qu'une décision où le recours est suspensif, ça veut dire qu'en attendant, la décision négative, elle est suspendue, on ne la met pas en œuvre. Or, un recours non suspensif, comme un refus de régularisation, quand on fait un recours contre un refus de régularisation, eh bien, la décision négative, elle est toujours là, et elle permet toujours l'arrestation. Normalement, pas l'expulsion, mais il n'y a pas de garantie pour ça non plus. Donc la personne pourrait même être expulsée et attendre, soi-disant, dans son pays d'origine, le résultat, comme si on allait dire, on s'est trompé, vous pouvez revenir. Et ça, c'est vraiment une faiblesse du recours au Conseil du contentieux. On pourrait presque aller plus loin en disant, un recours non suspensif, c'est un recours qui n'est pas effectif au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, où on doit avoir le droit d'introduire un recours effectif. Effectif. Ouais. Alors, on va parler de contrat de travail, mais après la musique. Ouais. Comme ça, on va parler plus de détails pour des trucs. Voilà, la musique maintenant. Est invisible pour les yeux, sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau, et puis regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel, voyage dans les étoiles, embrasse le soleil, tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scrute-les des racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences, en somme, comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas. Écoute les vibrations, la terre grondée et puis écoute le monde qu'ils ont détruit. Et écoute tout ce qu'ils brisent de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends les raisons de tous ces gâchis. Ils construisent tant de choses pour se détruire. Des déchirements, des massacres, des exploités. Tant de sombres, d'incompréhension, d'obscurité. Dans ce monde-là, le fort mange le faible. Apprends la politique, les sociétés en somme. Comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi vivent-ils dans une jungle. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Regarde et écoute les hommes, mon fils, regarde-les. En ouvrant bien tes yeux, écoute-les. Avec toute ta raison, avec discernement. Car on ne peut comprendre autrement actuellement. La société des hommes est divisée en classes. C'est leur position dans la production qui détermine leur place. Il y a ceux qui produisent les richesses. Et puis ceux qui possèdent les richesses. Dans ce système, vois avec quelle modernité. Les hommes oppriment d'autres hommes. Les nations oppriment d'autres nations. Parce qu'une minorité a pris le pouvoir par la ruse et par les armes, d'un côté les maîtres et tout ce qu'ils prisent, avec eux les traîtres corrompus sous le rempris, de l'autre côté les êtres qui subissent les crises, avec ce qu'ils font naître et tout ce qu'ils maîtrisent. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Et tant que l'impérialisme existera, viendront les guerres, viendront les injustices, viendra le sang. Il en est ainsi, il n'y a pas de surprise. Et quand tu le sauras, mon fils, il n'y aura plus de surprise. Ouais, de retour sur Radio Panique, la voix de son voix. Toujours avec nous. Toujours sur Radio Panique. Ouais, Radio Panique. En fait, avec nous, n'oublie pas de rappeler le numéro de téléphone aussi. Hein. Ouais, il faut que je retrouve. C'est pour les gens qui ouais, ont aussi. Bah, s'il y a des gens qui veulent intervenir ou voilà, poser des questions pendant l'émission, c'est au 02 73 20. 450, donc je répète 02 73 20 450. Donc toujours avec nous, monsieur Alexis de Soif, avocat au cabinet Quartier des Libertés. Donc on continue toujours avec ce problème de problématique de la campagne de régularisation 2009. Donc vous avez fait un résumé de. Et là, donc on continue avec le problème d'adresse. Donc, comme on sait, donc un sans-papier, c'est toujours une situation précaire. Donc, c'est pas toujours évident de rester toujours dans le même logement. Donc, est-ce que... Donc, effectivement, il fallait d'abord une adresse pour introduire la demande, parce que des critères de base pour pouvoir introduire une demande valablement, c'était d'avoir une copie d'un document d'identité du pays d'origine, hein, le passeport ou une carte d'identité nationale. C'est une condition de recevabilité. Puis, il fallait une adresse où la demande qui est introduite via le bourgmestre de sa commune, l'agent de quartier allait venir vérifier si vous habitiez effectivement à l'adresse. Alors, il y a eu des problèmes qui se sont posés avec ces visites de l'agent de quartier. Les agents de quartier qui disaient « Ah, mais vous habitez dans un appartement insalubre, vous habitez dans un garage, je ne peux pas vous inscrire là. » On a dû se battre en tant qu'avocat pour dire « Monsieur l'agent de quartier via la commune, vous devez juste contrôler que la personne se trouve bien là. On ne vous demande pas d'une appréciation par rapport aux critères de salubrité du logement. Ce n'est pas comme s'il allait s'inscrire là. C'est juste pour dire est-ce qu'il est bien sur le territoire de notre commune, parce que c'était une condition de recevabilité. Et une fois que cette visite domiciliaire a été faite, la commune envoie le dossier à l'Office des étrangers pour qu'une décision puisse être prise. C'est une étape obligatoire, une formalité importante, mais il y a déjà des gens qui sont tombés du bateau à ce moment-là, et on a dû rattraper des dossiers à ce niveau-là. Alors, cette adresse, il y a des gens qui ont perdu leur logement. Ça dépendait à quel moment ils perdaient leur logement. Est-ce qu'ils perdaient leur logement entre l'introduction de la demande et la visite de l'agent de quartier ? C'est embêtant, parce qu'alors il fallait avertir la commune de la nouvelle adresse pour être sûr que la visite de l'agent de quartier se fasse à la bonne adresse, au risque de sinon, ils disent « Ah ben, on ne vous a pas trouvé ». On ne prend même pas votre demande en considération et vous perdez la chance de votre vie. Donc il fallait vraiment être très scrupuleux pour ça, tout de suite informer les autorités, soit la commune si la demande n'est pas encore envoyée à l'Office des étrangers, soit une fois que la visite domiciliaire a eu lieu et que le dossier est envoyé à l'Office des étrangers, je dirais là, le plus dur est passé au niveau de l'adresse. Pourquoi ? le dossier pour traitement à l'Office des étrangers, mais par contre, il faut toujours tenir informé l'Office des étrangers de votre nouvelle adresse. Pourquoi ? Parce que quand une décision sera prise, on doit pouvoir vous toucher et donner des instructions à la commune de votre lieu de résidence. Et donc, obligation d'envoyer un courrier recommandé à l'Office des étrangers pour signaler tout changement d'adresse quand on est dans la procédure. L'envoyer juste à l'Office des étrangers ou bien de préférable, l'envoyer à l'Office et la commune aussi. Si le dossier est à l'Office des étrangers déjà, vous pouvez l'envoyer juste à l'Office des étrangers. Parce qu'à la commune, vous n'êtes quand même pas inscrit à la commune. La commune, elle a fait que vérifier votre adresse, mais vous n'avez pas d'inscription dans le registre de la commune. Si vous avez changé de commune en plus, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire à la commune. Ils vont dire oui, mais vous êtes en séjour illégal. Donc, une fois que le dossier est à l'Office étranger, c'est l'Office étranger qu'il faut avertir. Et l'Office des étrangers va donner des instructions de régularisation à la commune en disant « Régularisez monsieur XY qui habite à telle adresse ». Et la commune va le convoquer à l'adresse que l'Office des étrangers a mis dans la décision. Et donc c'est pour ça que c'est important que ce soit la bonne adresse dans la décision. Si vous êtes régularisé sur votre ancienne adresse, la commune ne saura jamais vous contacter. Et si vous n'avez pas d'avocat qui, de son côté aussi, peut vous avertir, vous risquez de passer à côté de la montre en or. C'est-à-dire, c'est le problème, il y a le problème d'adresse. On peut dire, c'est la commune qui a vérifié votre adresse, pour avoir son papier, et l'agence cartier a passé le positif. Mais en cas de changement... Et là, vous recevez un accusé de réception de votre demande de régularisation, l'annexe mais 3. Mais ça ne prouve pas qu'il est enregistré dans l'enregistrement populaire. Non, on n'est pas dans le registre de la population, pour autant, c'est juste le fait que cette étape... Cette formalité obligatoire a été accomplie avec succès et l'accusé de réception, c'est un document très très important. C'est la preuve que votre dossier était envoyé par la commune à l'Office des étrangers et que maintenant la balle est dans le camp de l'Office des étrangers qui doit prendre une décision. Alors, s'il y a un problème, parce que souvent on a entendu qu'agent de quartier, il n'accepte pas de enregistrer quelqu'un ou accepter l'adresse, comme vous expliquez tout à l'heure, il y a un problème de légende et quelque chose comme ça. Oui. Mais qu'est-ce que doit faire le sans-papier ? Parce que il doit aller voir un avocat, il doit aller voir une association qui va prendre contact avec la commune. Je sais par exemple, il y a eu un problème à Scarbec, l'agent de quartier, il passait deux fois, et si au bout de deux fois, il n'avait pas vu la personne, il disait que la personne n'habitait pas là. C'était un peu court, et donc on a dû les rappeler à l'ordre en disant « une visite d'un agent de quartier, c'est pas ça ». Si une fois, vous êtes allé faire une course dans le magasin en face, et l'autre fois, vous êtes parti travailler ou vous êtes parti chercher votre enfant à l'école, vous avez vraiment eu deux fois pas de chance, c'est pas pour ça que vous habitez pas là. Et donc, il y a des agents de quartier, des enquêtes de résidence qui ont dû se refaire, et parfois ça a pris des mois. Moi, j'ai des dossiers qui sont seulement complets depuis quelques semaines, alors qu'ils ont été introduits il y a un an, hein, parce qu'on a eu des problèmes avec cette visite de l'agent de quartier. Et aussi maintenant, pour les gens qui sont à l'attente de la réponse de leur dossier, parce que si ça risque, ça a encore un an, deux ans qu'ils doivent attendre, entre-temps, ils doivent rester dans le même... L'adresse ou... Ou alors s'ils déménagent, il faut absolument avertir les autorités, donc soit l'Office des étrangers, soit la commune, si le dossier n'était pas encore envoyé à l'Office. Et c'est juste pour le changement d'adresse, elle ne risque pas de tarder le dossier plus qu'il est déjà tardé ? Non. C'est-à-dire ça, ça change... Une fois que le changement d'adresse est envoyé à l'Office des étrangers, eux, ils encodent tout de suite dans l'ordinateur la nouvelle adresse, ça ne retarde pas un dossier. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre encore le temps pour changer la commune, pour changer toutes les procédures. L'expérience montre que ça ne retarde pas les dossiers. Ça va alors. Même si on a une carte orange. À mon avis, on passe au deuxième point. Parce que, au 2.8B, c'est ça ? La régularisation par le travail. La blague de la régularisation par le travail, voilà. Alors, la régularisation par le travail, et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une réelle volonté du gouvernement de régulariser les sans-papiers, que ce soit une vraie réussite, cette campagne de régularisation ? Est-ce qu'il y avait une volonté politique pour régulariser la situation en personnes irrégulières ? Aussi moi, dans je pense, le marché travail, quoi, voilà. Tu vois. Moi, je pense que oui, qu'il y avait une réelle volonté parmi les partis politiques progressistes. On sait qu'au niveau francophone, le parti écolo en premier, mais avec le Parti socialiste et le CDH, se sont battus pour la régularisation. Ils ont dû composer quand même avec, parce que des partis flamands qui étaient moins enthousiastes pour la régularisation. Il y a certains partis flamands qui étaient en partie pour la régularisation, mais qui n'osaient pas le dire trop fort parce qu'en Flandre, c'était beaucoup plus sensible. Je pense au CDNV, où des élus politiques nous disaient qu'ils étaient pour aussi. mais qu'il ne fallait pas le dire trop fort. Et alors, parti les socialistes flamands, mais qui n'étaient pas dans le gouvernement à ce moment-là, si je me souviens bien, et Groen, évidemment, qui était pour la régularisation. Mais alors se pose le problème des partis libéraux, le MR du côté francophone et le VLD, qui sont beaucoup plus dans une logique régularisation, pas par le travail, mais même immigration économique, et qui ont finalement... par cette régularisation par le travail, ils ne se sont pas trop opposés à la version light de la régularisation qu'on espérait. Mais cette régularisation par le travail, pour revenir donc à cette question-là, c'est la grande déception. Parce que à l'époque, quand on s'est battu pour les critères, et quand les critères sont sortis, on pensait que le gros des sans-papiers allait être régularisé sur ce critère-là. Parce que nous voyons, en tant qu'avocat, moi je voyais dans les occupations, par exemple la dernière grosse occupation avant que l'instruction sorte en juillet 2009, c'était la place Saint-Lazare. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet immeuble de 7 étages qui appartenait à Fortis. Ouais, Et où il y avait des centaines et des centaines de sans-papiers. Je crois que c'était monté presque jusqu'à 700 au départ et ça descend jusqu'à 400 après ces 200. Voilà. Alors, et donc, avant d'expulsion que la coptère et tout ça, c'est tout à fait, on se souvient de ces images terribles. Qui est indigne de la capitale de l'Europe, où des hélicoptères attaquaient par le toit pour expulser ces gens qui ne demandaient que de pouvoir vivre dignement en Belgique. J'étais un des avocats de ce collectif-là, et quand les critères sont sortis, j'ai été expliqué dans l'immeuble Place Saint-Lazare les critères de régularisation, et il était évident que la toute grande majorité des occupants de cet immeuble allait pouvoir être régularisés sur base du critère 2.8b, régularisation par le travail. Et donc, en voyant les différentes occupations, les différents collectifs, on se disait, en tant que professionnel du secteur, ce sera le grand nombre de dossiers seront introduits sur 2.8b. Et qu'est-ce qu'on voit à l'arrivée ? Qu'il y a beaucoup moins. Et moi, je l'ai vu quand j'ai introduit des dossiers entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009. J'ai eu beaucoup plus de dossiers sur base des critères permanents ou sur base du 2.8a, qui était vraiment la grande majorité. J'ai eu beaucoup de demandes de consultation sur le 2.8b, des gens qui sont venus me voir et qui me demandaient « Oui, mais quel document je dois produire ? Contrat de travail ?» Et je donnais des rendez-vous ultérieurs. Et puis, ils revenaient en disant « Mais j'ai pas trouvé de contrat de travail. » Le patron pour qui je travaillais ne voulait pas me donner un contrat de travail. Il préfère que je continue à travailler au noir. Ou alors le patron pour lequel je travaille au noir, il veut bien me donner un contrat à condition que ce soit moi qui paye les charges sociales supplémentaires que ça va coûter. Ça, c'est souvent. Hein. Et du coup, il me restera 200 ou 300 euros à la fin du mois pour vivre. C'est impossible. Mon loyer est plus cher. Et donc, j'ai vu comme ça beaucoup de personnes demander des renseignements pour le 2.8b et puis finalement ne pas rentrer les documents et qui n'ont pas introduit de demande. Et ceux qui ont réussi, et c'est une minorité, hein, moi c'est une proportion, je ne sais pas, sur les critères ancrage local durable, donc le 2.8a et le 2.8b, alors qu'on pensait que la toute grande majorité serait le 2.8b et une partie honorable mais plus petite 2.8a, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Je crois que c'est la proportion, c'est 80% de dossiers que j'ai introduits en 2.8a et 20% en 2.8b. Or, ça aurait dû être l'inverse, en fait. Et ceux qui ont réussi à trouver un contrat de travail, à répondre à cette condition de prouver sa présence en Belgique avant le 31 mars 2007, à produire un contrat de travail... C'est-à-dire plus de 2 ans, 3 ans sur le territoire. Voilà, il fallait 2 ans et demi sur le territoire et un contrat de travail. Eh bien, il y en a qui ont eu des décisions négatives parce que le contrat de travail ne respectait pas entièrement les exigences, le salaire. Il fallait gagner 1380 euros brut par mois. À l'époque, maintenant c'est indexé, c'est 1415. C'était des conditions de salaire strictes. Et finalement, il y a des contrats qui ne répondaient pas à ces conditions-là. Et au lieu de recevoir une deuxième chance de produire un bon contrat, ils ont reçu des décisions négatives, bien souvent. Ce qui me désole le plus, c'est quand je vois des gens qui ont introduit un dossier complet en 2.8b, qui ont dû attendre 1 an pour avoir la fameuse lettre en réponse, parce que c'est ça la procédure. Hein. On devait joindre le contrat de travail à la demande de régularisation, puis attendre la décision de l'Office des étrangers qui dit « oui ». Vous prouvez que vous êtes en Belgique depuis avant le 31 mars 2007, vous avez un contrat, votre employeur peut maintenant demander le permis de travail B, à la région, et sur production du permis de travail B que vous obtiendriez, vous recevrez alors un titre de séjour d'1 an, la carte blanche d'1 an. Mais un an après, moi j'ai des clients qui sont venus en disant eh ben mon patron, le patron, il n'a pas attendu, hein, il a engagé quelqu'un. Ouais, c'est normal. Ou la société, elle a fait faillite, ou la société, elle a été reprise par un autre. Je connaissais l'ancien patron, je ne connais pas le nouveau, il ne veut pas m'engager. Et donc, c'est tellement de problèmes, quoi. Si l'Office des étrangers, c'était presque une vérification technique. J'ai l'impression que les 2-8B, les dossiers 2-8B, on les a gardés presque pour la fin. On aurait dû les traiter en premier, en fait. Mm-hmm. Parce que c'était une vérification technique qui prend quelques minutes par dossier. Est-ce que la personne est là depuis avant le 31 mars 2007? Oui ou non? Ben, si c'est oui, est-ce que le contrat de travail, a priori, à première vue, répond aux conditions d'un contrat de travail tel que nous le souhaitons? Oui. Eh bien, on envoie tout de suite la lettre pour qu'il puisse demander le permis de travail. Et ce monsieur auquel je pense, qui après un an est venu pleurer dans mon bureau en disant « Mon patron, mon boulot, il ne m'a pas attendu, donc il ne veut plus m'engager. » Mais si il avait eu cette occasion... Un mois après l'introduction de la demande, son patron l'aurait pris et il aurait été régularisé. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est à mon avis, l'avis de tous les sans-papiers, c'est un piège, le contrat de travail. C'est juste pour dire, voilà, on fait la régularisation, en réalité, c'est autre chose, quoi. Je ne pense pas que c'est... Dire que c'était un piège, ça veut dire qu'au départ, on l'avait conçu comme un piège. Et ça, moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est de toute bonne foi qu'on s'est dit la régularisation par le travail. Mais en fait... Plutôt que de dire que c'était un piège, je crois que c'était un échec. Et on doit pouvoir, au niveau politique, reconnaître que la régularisation par le travail 2-8-B est un échec. Et dans tout État qui fonctionne bien, à partir du moment où on constate que quelque chose est un échec, il faut essayer de réparer cet échec. Et donc, pour moi, je pense qu'on n'a pas été au bout du processus. La régularisation instruction de 2009 devrait avoir une suite, notamment pour pallier, pour réparer l'échec de la régularisation par le travail. Et il faut avoir le courage de le dire que cette régularisation par le travail, alors qu'il y a toute une série d'emplois vacants, malgré qu'il y a un taux de chômage important, il y a des emplois vacants, parce qu'il y a certains emplois que les Belges ne veulent même plus faire. Même sur côté Flandre, il y a 14 000 emplois voilà. offres. Et donc, il y a des emplois vacants. La crise, peut-être que le gros de la crise est derrière nous et qu'il y aura une reprise économique qui justifie que... Parce que les sans-papiers n'ont pas eu de chance non plus. Il y avait une certaine stabilité économique. La conjoncture économique. Et puis, quand les critères sont sortis, la crise a éclaté. Et beaucoup d'employeurs ont eu peur. Peut-être qu'un an avant, ils auraient donné des contrats de travail. Et puis, ils ont eu peur et ils ont dû rétrécir leur activité à cause de la crise. Et donc, les sans-papiers sont arrivés vraiment... Ils n'ont pas eu de chance au niveau de la conjoncture à ce niveau-là. Et alors maintenant, quand j'entends des responsables politiques, surtout les partis de droite, qui disent « il faut réfléchir à une migration économique pour ces emplois vacants », je dis non. Ça ne sert à rien de faire venir d'autres personnes qui ne sont pas intégrées en Belgique, qui devront faire l'effort d'intégration. Ça va coûter de l'argent pour les faire s'intégrer. Alors que nous avons en Belgique toute une masse de personnes qui sont déjà intégrées. Qui travaillent déjà. On a déjà investi pour eux. Leurs enfants vont dans nos écoles. Alors est-ce qu'on va renvoyer ceux-là pour en faire venir d'autres avec les mêmes problèmes d'intégration qui vont se poser alors qu'on a déjà des gens qui travaillent qui font partie de notre société? Moi, je me souviens qu'en l'époque où on parlait des critères et qu'on se battait pour essayer de sensibiliser les politiques avec les mouvements de sans-papiers en disant mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mode d'action? Il y avait des manifestations, il y avait des occupations, il y avait même des grèves de la faim. Et on avait, l'idée était née en disant eh bien, si tous les travailleurs sans-papiers faisaient la grève pendant quelques jours, on verrait quelle partie de l'économie repose sur ce travail des sans-papiers. Mais malheureusement, les sans-papiers, ils ont besoin de travailler tous les jours, sinon ils ne savent pas payer leur loyer en fin du mois et ils n'ont pas la possibilité de faire la grève. Mais ça aurait été un signal très important pour montrer qu'ils font partie de notre société. Et donc, je dis, pour les emplois vacants, pour cette régularisation par le travail qui est un échec, remettons peut-être l'ouvrage sur le métier, trouvons des solutions, plutôt que de réfléchir à faire venir des nouveaux travailleurs où on va avoir l'illusion qu'ils vont être tout de suite opérationnels, et où même certains libéraux, je pense, les thèses de Sarkozy, de dire l'immigration par le travail, l'immigration choisie. Circulaire, oui, l'immigration choisie. Hein, où on va puiser la matière grise après avoir puisé la matière première, mais ils imaginent une immigration par rotation circulaire, c'est-à-dire on prend le travail travailleur dans le pays, on le met au travail pendant un an ou deux, et puis on le renvoie dans son pays quand on n'en a plus besoin. Moi, je n'appelle pas ça une immigration circulaire ou par rotation, j'appelle ça une immigration Kleenex. On prend, on utilise et on jette, comme un Kleenex. Et ça, ce n'est pas digne de notre société démocratique. Et donc, moi, je pense que la régularisation par le travail, il faut utiliser d'abord les forces vives qui sont déjà ici, qui sont intégrées. À mon avis, même ça ne doit pas être une régularisation par le travail, mais plutôt une régularisation pour le travail. Parce qu'à ce moment-là, puisqu'on parle du travail, c'est le permis B. Déjà, les critères étaient difficiles, mais la régularisation en elle-même, c'est une régularisation précaire. Parce que même si le sans-papier reçoit une réponse positive, il est obligé de renouveler son permis de travail pendant 3 ans. S'il ne change pas de patron, s'il change de patron, c'est pendant 4 ans. Et pendant toute cette durée, elle est quand même dans une situation plus ou moins précaire. C'est juste... voilà. Donc il y a aussi le père, parce que on pose la question, si la personne elle a déjà eu la carte de 1 an, mais dans 2 mois, 3 mois, elle perd son travail. Elle risque quoi après pour renouveler sa carte l'année prochaine? S'il travaille toute l'année, ça va se passer comment? S'il ne travaille pas pendant une grande période de l'année, il risque quoi? Là, c'est des questions. Elle reste toujours, en plus, elle reste toujours à la merci de son patron. Donc voilà. Tout à fait. Alors moi, je pense que si on peut comprendre l'impératif de dire il faut pas que ces personnes dépendent de la collectivité. Et donc qu'on puisse demander à quelqu'un qui dit voilà, moi je veux être régularisé, je suis un travailleur, je vais travailler, je vais retrousser mes manches, qu'on dise ben d'accord, mais dans un an on va examiner et vous ne pouvez pas dépendre de la collectivité, à savoir du CPS ou du chômage, et pendant 3 ans il y aura ce contrôle avant d'avoir le séjour définitif. Moi ça ne me choque pas, mais quand il y a des cas comme vous soulevez où on perd son travail 2 mois avant le renouvellement de son titre de séjour, je trouve qu'on doit pouvoir apprécier ça avec humanité et souplesse. Si la personne fait des efforts pour retrouver un nouveau travail ou lui laisser un délai pour retrouver du travail. Et le problème avec le permis B, c'est que le permis B, contrairement au permis C, le permis C, il est valable sur tout le marché de l'emploi et pour tous les patrons. Le patron ne doit faire aucune démarche pour engager le travailleur. Par contre, le permis B, c'est le patron qui doit demander le permis de travail pour son ouvrier ou pour son travailleur. Et ça, donc, c'est des démarches administratives, c'est pas facile, ça prend du temps. Et le permis de travail n'est valable que pour ce patron en question. Alors, pour peu que le patron soit pas très scrupuleux ou même abuse de la faiblesse du sans-papier qui peut juste fermer sa gueule, il n'y a pas d'autre mot, et travailler, eh bien le risque c'est qu'évidemment qu'on abuse de la situation de faiblesse du travailleur. C'est pour ça que moi je préfère évidemment l'autorisation de travail général du style permis C, parce que je trouve que c'est beaucoup plus humain, ça ne met pas le travailleur à la merci d'un patron qui n'est peut-être pas honnête. Parce que dans cette régularisation par le travail, où on a tous ces gens qui travaillent, si vous avez vu le film Illégal de Olivier Masset-Depasse sur les centres fermés, juste avant la projection du film, il y a un court-métrage sur, en France, tous les travailleurs sans papier qui ont construit des tours, des buildings d'assurance. Il y a même un sans papier qui faisait la plonge, la vaisselle à Matignon chez le Premier ministre. Et ça montrait par l'absurde qu'en fait, les sans papiers, forcément, c'est des travailleurs, vu que sinon, ils n'ont pas moyen de vivre dans nos pays. Et je dis... Et en plus, ils payaient pour la sécurité sociale et cotisaient pour une pension. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ils... Les impôts aussi. Hein. Moi, ils cotisaient, ils payaient leurs impôts et ils n'avaient aucun retour. Ouais. Et alors, quand moi, je me pose toujours la question, mais qui emploie ces gens? Est-ce que ce sont les mêmes qui disent... Tous les sans-papiers, c'est des profiteurs, il faut les renvoyer dans leur pays. Hein, à qui profite le crime d'exploiter comme ça de la main-d'œuvre corvéable à merci? Je trouve que c'est une honte pour une société démocratique comme la nôtre. Parce que si c'est ça que je voudrais dire, parce que quand je vous entends parler avec la crise économique, est-ce que ça n'a pas aussi la volonté politique? Est-ce qu'il existe vraiment actuellement? Parce que tu dis, les dossiers ne sont pas été traités le premier. Ils veulent des autres. Mais on pose la question, pourquoi elle n'a pas été traitée le premier? Moi, je pense que c'est parce qu'on traite cette problématique à court terme. Les politiques n'ont pas le courage d'envisager à long terme ce que notre société a besoin. Et le court terme, c'est la prochaine échéance électorale. Et il y a une peur au sein de la population belge en disant « Si on régularise ces sans-papiers, ils vont nous prendre notre travail, ils vont prendre notre système de sécurité sociale. » Or, si on prend un peu de recul et qu'on se dit « Dans 30 ans, qui va payer nos pensions ?» mais ce seront les sans-papiers d'aujourd'hui qui vont être régularisés, parce qu'on va avoir un problème de paiement des pensions. Il n'y aura plus assez d'actifs avec le vieillissement de la population, de vergrijzing van de bevolking, comme on dit en Flandre, où on se dit on va avoir un gros problème pour payer nos pensions dans 30 ans, et il n'y aura plus assez d'actifs par rapport aux gens qui seront retraités. Et donc, on devra trouver une solution. Mais il y a quand même aussi une ISO, à un certain moment, et qu'ils ont dit, on a des vacatures vides déjà longtemps, on a besoin de sans-papiers des travailleurs. Tout à fait. Le patronat flamand en particulier dit qu'eux sont pour la régularisation des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers, parce que ce sera bon pour l'économie. Ce sont des gens aussi qui cotiseront, qui sortiront. Et pourquoi le politique fait l'inverse ? Parce que maintenant, il y avait récemment plein de gens dans l'occupation de rue Bruny, qui avaient tous leurs contrats de travail, et maintenant ils sont expulsés. Ils ont déjà quelques-uns qui sont dans le centre fermé. Pourquoi on ne juste répond pas à eux ? Parce que leur question était juste donner la réponse et on peut commencer à travailler. Donc, moi, je pense que c'est parce que c'est une vision politique à très court terme et qu'il y a une peur, à tort ou à raison, de l'opinion publique. Il faut savoir que l'opinion publique flamande était moins réceptive que la francophone. Et donc, la prochaine échéance électorale fait trop peur aux politiques. Mais le problème dans tout ça, c'est que ce sont des critères qui ont été définis par un accord politique, même s'il y avait le Conseil d'État donc, qui a cassé les instructions. Donc, mais monsieur le responsable politique a assuré qu'il va continuer. Les exécuter loyalement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Mais on voit quand même maintenant, il fait de la politique aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'étaler les réponses sur un certain nombre d'années. Effectivement. Voilà. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment, il a le droit de... Voilà, de... Moi, je pense qu'il y a une responsabilité collective, en ce compris de la presse. Moi, je lis régulièrement la presse flamande et je voyais, par exemple, que le chiffre de 24 000 régularisations en 2010 faisait les titres en Flandre en disant « Il y a déjà 24 000 régularisations pour 2010, or il n'y en avait que 11 000 en 2009 ». Et il n'était pas fait référence à l'instruction de 2009. Mais la situation a tout à fait changé. On ne peut pas comparer des pommes et des poires. Et donc, je trouve qu'il y avait une certaine mauvaise foi dans le chef de ce journaliste en question de monter en épingle le chiffre de 24 000 plutôt que de l'expliquer en disant pourquoi ça avait augmenté. Mais parce qu'il y avait eu la régularisation de 2009 avec des critères temporaires où plein de gens sont régularisés. Donc, c'est normal qu'on connaisse une augmentation du nombre des régularisations. Mais il faut l'assumer. Mais il faut aussi l'expliquer. Alors, on se plaint des politiques qui ont une vision à trop court terme, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité dans les médias de bien expliquer la situation plutôt que de faire peur à la population en disant « Ah, on a régularisé deux fois plus de personnes que l'année d'avant. » Sans explication, ça va pas ? Alors moi, avant qu'on témoigne dans 5 minutes pour la musique, en fait, je veux retourner au permis B. Parce qu'il y a un Syrien qui m'a appelé il y a 2 jours et m'a posé la question. Et moi, je dois vous poser maintenant la question de lui. Alors, ils disent qu'il a eu la réponse, il a dit qu'il a la réponse de l'Office étranger par lettre recommandée. Ils disent qu'ils ont demandé un nouvel contrat. Il m'a posé la question, il m'a dit, moi, je travaille avec ce patron, mais ce patron, il a trop explosé. Alors, elle profite trop, elle travaille 2 heures par jour, moins payé pour un équivalent à un contrat. Ils disent, est-ce que je peux travailler avec lui 3 mois, dès que je vais avoir ma carte blanche, et après, je change le boulot avec un nouvel patron, mais quelle démarche qu'il doit faire ? Est-ce qu'il va faire la nouvelle demande pour le permis B ? Est-ce qu'il va passer à permis C ? Qu'est-ce qui va passer après ? Il devra rester dans le cadre du permis B. Donc, un autre patron peut demander pour lui un permis B, même une fois qu'il a reçu la lettre de l'Office des étrangers. Cette lettre de l'Office des étrangers qu'il a reçue par recommandé dit « Votre patron a 3 mois pour introduire la demande de permis B ». Mais ça peut aussi être un autre patron. Donc ça ne doit pas être nécessairement le patron qui a fait le contrat de travail, qui avait été joint à la demande de régularisation au départ. Donc durant les 3 mois, et quand on le fait tout de suite, par exemple moi j'ai eu un dossier où il a tout de suite introduit la demande de permis B, ça a été refusé parce que le contrat n'était pas suffisamment en ordre. Il a eu le temps de trouver un autre patron, faire une nouvelle demande et avoir le permis B dans les temps. Alors le délai de 3 mois, très important. C'est pas 3 mois et on doit avoir la réponse de la région sur le permis B, c'est 3 mois pour introduire la demande à la région. Mais évidemment, c'est mieux d'introduire la demande tout de suite à la région parce que si jamais on a une réponse négative et qu'il reste encore un peu de temps, on peut avoir une deuxième chance. Imaginons qu'on attend 2 mois et demi pour introduire la demande de permis de travail à la région et que la région met 1 mois pour répondre, on est au-delà du délai de 3 mois, c'est fini, on tombe du bateau. Dans le cas de deuxième. Alors on ne sait pas introduire une nouvelle demande vu que le délai de 3 mois pour introduire la demande est dépassé. Donc à ce moment-là, on retourne à la situation de clandestinité. Alors on retourne à la situation de clandestin, on est expulsable, on peut se faire arrêter, se mettre en centre fermé. On est fiché, donc. On est fiché. On a une copie, l'office étranger a la copie du passeport, donc ça facilite aussi l'expulsion. L'idée, quand en 2007 ils ont changé les règles, ils ont dit obligation de joindre une copie du passeport. Ne faisons pas de l'angélisme, hein. C'est aussi parce que comme ça, si jamais c'était une décision négative, on savait plus facilement expulser la personne. Hein. Et donc, votre ami, s'il obtient son permis B avec son patron peu scrupuleux maintenant, et qu'il commence à travailler pendant 2-3 mois, et qu'il a envie de changer, et qu'il trouve un nouveau patron, son nouveau patron peut faire une demande de permis B pour lui, et peut changer de boulot. Est-ce qu'on peut changer une fois, ou parce que j'ai entendu qu'on peut changer qu'une seule fois? Le patron, tout dépend de la région. Je l'ignore. Mais j'imagine que, vu les délais, un an après, il y a déjà une nouvelle évaluation. Ça ne laisse pas non plus le temps de changer tous les mois de patron. Hein, donc ça va paraître bizarre. Enfin, non, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est peut-être plus une question théorique. Alors, sinon, il n'y a pas moyen de sortir de l'employeur et de s'installer comme indépendant. Comme ça, à mon sens, non. Alors, c'est juste, en résumé, 2 minutes avant qu'on passe. C'est juste, qu'est-ce que vous pensez aux quelles nouvelles pour l'article 9ter? 2 minutes. Ah, tu fais peur. Ouais. Donc, l'article 9ter. Parce qu'on a parlé tout, les maladies. La régularisation médicale. Alors, la régularisation médicale, encore ici en novembre, ils ont serré un peu la vis. La loi a été changée, les conditions sont devenues plus dures, plus strictes. Et c'est une évolution constante. On se rend compte qu'avec le poids que la NVA, Parti Nationaliste Flamand, prend dans la politique belge, et qu'ils veulent restreindre de plus en plus le domaine de l'asile et migration, ça va devenir plus en plus difficile. Alors l'article 9ter, c'est pour les personnes qui sont gravement malades. Donc il faut aussi, c'est une demande qui est adressée directement par courrier recommandé au directeur de l'Office des étrangers, donc pas à la commune comme pour le 9bis. Il faut joindre la copie de son passeport, un certificat médical type qui est sur le site de l'Office des étrangers, je pense, mais surtout sur le site de MedImmigrant. C'est le certificat médical type de l'administration, obligatoirement celui-là, pas un autre, sinon c'est pas recevable. Ça, c'est notamment les nouvelles règles de durcissement. Et il faut que le médecin complète le certificat médical en expliquant, 1, la maladie grave, 2, le traitement qui est en cours, et 3, il faut démontrer que ce traitement qui ne peut pas être interrompu n'est pas disponible dans le pays d'origine, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il est financièrement inaccessible à la personne. Mais c'est vraiment, donc, sous ces conditions extrêmement strictes, que la personne peut être régularisée pour raison médicale. D'accord. Bah, peut-être on fait un... Ouais, j'ai une dernière question, moi, peut-être. Vous, comme avocat, comme professionnel du secteur, comment vous voyez, donc, avec le recul, cette campagne, soi-disant campagne... Est-ce que c'était vraiment déjà une campagne de régularisation? Et bon, je vais annoncer les chiffres encore une fois. De 2010, 8791 expulsions, 775 permis de travail B accordés. Alors, et concernant les autres procédures, l'Office refuse catégoriquement de communiquer les chiffres. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre les articles, donc on ne peut pas donner les chiffres. C'est pour ajouter aussi, il y a des chiffres qui disent l'Office étranger, ce n'est pas la même chose qu'ils disent le ministre de l'Immigration. Alors toujours, il y a une erreur entre les deux. Quoi. C'est très difficile de pouvoir centraliser ces chiffres, et donc je comprends la difficulté qu'a l'Office des étrangers, parce qu'il faut savoir qu'il y a les nouvelles demandes qui ont été introduites après l'instruction du 19 juillet 2009, des nouvelles demandes qui ont été introduites par les communes, mais il y a aussi tous les dossiers existants qui étaient en cours, qui ont pu être actualisés directement auprès de l'Office des étrangers. Et donc, les chiffres globalisés, on ne les a pas, moi je ne les ai pas en tout cas. Les chiffres qu'on a, c'est les chiffres de régularisation, 24 000 pour l'année 2010, et ça devrait être au moins équivalent pour l'année 2011, sinon ce serait clairement un échec, la campagne de régularisation. Alors pour faire une espèce d'évaluation, d'abord moi je veux dire que c'était une bonne chose, cette instruction de 2009, parce que ça a permis de solutionner des milliers de cas de gens qui étaient depuis longtemps en Belgique, qui vivaient cachés dans l'ombre, qui étaient exploités et qui maintenant peuvent enfin mener une vie digne. Moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes, enfin, alors que ça faisait 3-4 ans que je suivais leur dossier, je les ai enfin vus sourire, rire et même pleurer de joie parce qu'ils ont obtenu d'abord une perspective d'être régularisés et puis ils ont été régularisés, ils ont eu leur fameuse carte de 5 ans, comme ils disent, et ils peuvent enfin vivre dignement dans notre pays. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, même si ça n'empêche pas qu'on peut avoir un regard critique sur cette instruction de 2009. N'oublions pas et ne boudons pas notre plaisir pour tous ces gens qui enfin sortent de l'ombre et qui se sont battus pour ça. Alors, je pense quand même que ceux qui ont introduit sur base de contrat de travail, qui sont quand même vu ça quand même comme un piège maintenant, parce que pas certains... mal de gens sont maintenant dans centre fermé, sinon ils pouvaient rester tranquilles. Voilà. Alors certains ont été régularisés par le contrat de travail, mais beaucoup n'ont pas été régularisés ou pour beaucoup n'ont même pas pu introduire de demande. Et ça, c'est donc un échec. Et ça, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. On est bien d'accord. Alors, je pense aussi que dans des sociétés comme la nôtre, on dit toujours « cette campagne de régularisation sera la dernière ». Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense qu'une société comme la nôtre, une société occidentale comme la nôtre, ne peut pas faire l'économie d'une campagne de régularisation au moins une fois tous les 10 ans, tous les 5 à 10 ans. Les sociologues, les économistes le disent. On a un fonctionnement comme ça, on en parlait tout à l'heure, où il y a des métiers qui ne veulent plus être exercés par des Belges, et donc il y a des vacances d'emploi, il y a un vieillissement de la population, et donc probablement que d'ici 5 ou 10 ans, on devra se reposer la question. Ça devra peut-être se faire au niveau européen, parce que c'est de plus en plus difficile en Europe qu'un pays décide de faire... De prendre de l'avance sur un domaine en particulier, mais il faudra y réfléchir. Et c'est depuis toujours, après tout, la Terre est ronde et les gens veulent chercher un avenir plus digne. Donc il y a des phénomènes de migration. Ça, ça fait partie un petit peu de l'humanité. Et donc je pense qu'il faut pouvoir aborder cette question-là sans tabou. Alors, avant de passer de la musique, on va remercier notre invité, l'avocat, monsieur Alexis Dessoif, avocat de cabinet Quartier de Liberté. Merci d'être là. Et franchement, on a bien des nouvelles aujourd'hui. On a bien parlé. Pas que des bonnes nouvelles. Il ne faut pas cacher le soleil avec. Petit conseil pour le sans-papier. J'avais quand même une toute petite question parce qu'il y a une lutte vraiment maintenant qui veut être menée pour le délai de traitement des dossiers. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen, un jurisprudence concernant ça? Est-ce qu'on peut le faire délai de traitement? Alors non, y a, si vous pouvez ajouter aussi. Très brièvement, on est impuissant en tant qu'avocat pour essayer d'accélérer les dossiers. Moi, je vois que en gros, des dossiers que moi j'ai introduits, j'ai une réponse pour la moitié de mes dossiers, plus ou moins, et l'autre moitié attend encore. Il n'y a aucune logique dans la chronologie de traitement des dossiers, et donc c'est le désespoir. Alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'actualiser le dossier. J'ai l'impression que quand on actualise le dossier, j'envoie une lettre à l'Office étranger avec des nouvelles attestations pour dire ce que la personne fait maintenant, les perspectives qu'elle a, une nouvelle promesse d'emploi, etc., que parfois ça permet d'accélérer le dossier. Sortir le dossier de... Mais sortir le dossier de la pile, on se dit que c'est toujours au détriment des autres dossiers. Et en fait, la seule solution pour ça, ce serait augmenter les effectifs à l'Office des étrangers pour traiter les dossiers. Mais je pense, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine volonté d'étaler dans le temps les régularisations, comme pour amortir le choc et les chiffres, ou le choc des chiffres, pour dire... parce que ça ferait peur à la population, ce qui, à mon sens, est un non-sens. Et donc, je crains qu'effectivement, les derniers n'auront une réponse que fin 2011, voire début 2012. Et j'ai envie de dire, malheureusement, si tout va bien, parce que ça peut être encore plus loin. Ils n'ont plus de l'employeur, le contrat de travail, c'est déjà... Tout à fait. On pensait que ça irait beaucoup plus vite. Rappeler l'éditeur de préparer leur bic pour noter le numéro de téléphone. S'il y a des questions pour après la discussion, après la musique, c'est le numéro pour rappeler, c'est 02 73 20 450. Je répète, 02 73 20 450 et n'oubliez pas toujours c'est panique. La force de la définition sociale de l'immigré et des problèmes qu'il pose tient au fait qu'il incarne toutes les formes de domination possibles. Il est tout à la fois l'ouvrier, le colonisé, le délinquant, l'aliéné mental, le chômeur, etc. C'est quelqu'un qui a aucun droit en France. J'ai pas le droit de rester sur le territoire français. J'ai pas le droit de faire mes études. Le salaire aussi, c'est pas fixe. Des fois, on nous donne 300 euros. Il y a une dame, même elle, elle a déjà reçu une fois 200 euros comme ça par mois. sachant bien que je suis en situation irrégulière, et sachant que même si je me plains, ils savent que ça n'ira nulle part, ça sera leur parole contre la mienne. Ils sont en train de nous exploiter, c'est tout. C'est de l'exploitation. C'est pas de l'exploitation, c'est de l'exploitation. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas de papiers. Liberté, liberté, liberté, liberté, liberté, liberté. ans, c'est ça? Oui, marhaban bikoum, a'izzai, mustabi'in. سوف نقوم بترجمة ما قيل ما قاله المحامي أليكسي ديسوار. سعيدي لسميتي نفكر بعد المستمعين الكرام بالرقم الهاتف تذكيرا اللي بغى يشارك معنا في الأسئلة أو في النقاش اللي غادي يقوم بتلخيص الموضوع اللي كنا ناقشنا معاه مع المحامي. الوغ الناس اللي موجدين القلم ديالهم باش يسجلوا الرقم الهاتف 02 73 20 450 02 73 20 450. هاي نذكر بموضوع البرنامج هو الريغولاسيون ديال 2009. دونك في شتنبر 2009 عشرات الالاف من المهاجرين في وضعيه غير قانونيه قدمت طلب لتسوية وضعها الإداري حسب مواصفات تم الاتفاق عليها في اتفاقية سياسية. في شهر 2010 إدارة الهجرة أخبرت بأن طلبات تسوية قد تأخذ وقتا طويلا حتى 2012. في برامج اليوم سوف نتحدث عن الموضوع ونناقشه، أن في الأونة الأخيرة العديد من المهاجرين يبدون القلق على مصيرهم ومصير ملفاتهم، وهناك أيضا شهادات عن حبس مهاجرين في المركز المغرق سونتر فيرمي مع العلم أنهم قدموا طلب التسوية. نذكر بعض الأرقام التي تم الإعلان عنها. في 2010 هناك 14426 طلب مقبول، طلب ملف التسوية، و 7866 طلب مرفوض. وفي 2009 هناك 7194 طلب مقبول و 6186 طلب مرفوض. في كل شهر تتم تقريبا معالجة 2500 ملف من طرف مركز المهاجرين. معالجة مش معالجة سعيد. يعني دراسة. معالجة ولا دراسة؟ كل شهر تتم دراسة معالجة عند تقريبا أحسن من دراسة. أنا مراد عندهم سخاص من الدواء. معالجة تختمو. مقبولة. هي هذيك معالجة. ما زال هناك عشرات الآلاف من ملفات تتم معالجتها حاليا. تقريبا 1000 شخص تمت تسوية وضعهم عن طريق العمل. غادي نحاولوا نديروا تراديكسيون، ترجمة ولا تلخيص، فقط تلخيص يعني ترجمة ما ديش يبقى لنا الوقت، تلخيص لما جاء في ونقشوا هذا الموضوع هذا بيتنا. وباش نذكروا بأن حاضر معنا أبدال، واحد من اكتيفيست النشيطين في الساحه ديال الريغولايزاسيون سون بابيي والمانيفيستاسيون وتو. نذكروا بيت تقدر تعرف بينا سي أبدال باش المستمعين الكرام يعرفوك شكون انت معنا. باش نذكر بعدا المستمعين الكرام كاين معنا انس اللي هو معنا في الجروب، وسعيد اللي عاد هضر دابا للمعالجه، ودابا أبدال غادي يتكلم. تفضل وانا معكم فيصل. سي أبدال ان امي دي كوليكتيف سون بابيي qui est activiste avec les amis Faisal et Saïd et Anas. J'aime bien le travailler avec les amis comme activiste dans le domaine de régulation de son papier immigration. Oui. D'ailleurs, on a tiré un résumé فقط المقيل. Oui, mais c'est كل شيء ولكن surtout le début. عرفت من بعد غادي نحاول المسائل المسائل المهمه اللي جات في التذكير. كان معنا حاضر المحامي أليكسيس دو سواف، ومختص في شؤون الهجرة، وكان تكلف بمحادثات في هذا الاتفاق ديال 2009. كان حاضر إلى جانب الحركة ديال قبل المحامي ديال المحامين ونقابل ديال المحامين. تفضل. هناك كان تكلم على إعادة النظر في الملف، على إعادة النظر في الملفات من طرف لكوميتي السويفي. وهذا الكوميتي السويفي تتركب من مجموعة من الجمعيات وأشخاص من مكتب المهاجرين ملف تتخونجي. تكلم أيضا على تاريخ النضال المهاجرين غير الشرعيين وأيضا على نضالات المحاميين مع المهاجرين. وعن سؤال غوندولين كانت طرحت لي السؤال حول الإرادة السياسية اللي تصوت الوضعية. المحامي السيد أليكسي تكلم عن أنه هناك معايير للتسوية حيث لم يكن ما ينتظرها المهاجرين من هذا الريغولايزاسيون لم يكن ما ينتظره المهاجر حيث أن هذه المعايير فقط معايير مؤقتة مؤقتة لمدة 3 أشهر ما بين 15 سبتمبر 2009 و 15 ديسمبر 2009 يعني ماشي ديك الخيطة اللي كيبقاو ديما يعني ديك الخيطة كان حل مؤقت في سنة 2009 اللي مازال في الانتظار الناس ديالها في الانتظار لحد الساعة من بعد سنة ونصف تقريبا الجديد عاتاني اللي كان عندنا أن اليوم أن كان بعض الحالات مثلا في الحالة دي العقد العمل لأن ممكن الإنسان بعد ما يتلقى رسالة مضمونة من لوفيس ترونجي مركز المهاجرين أنه يقدر يغير من رب العمل انه يقدر يغيره فاش مثلا انه فقد الكونترا او فقد العقد العمل في الفتره انا ممكن له في مده 3 اشهر انه يغير رب العمل ووجد عقد عمل اخر جديد وفي مده ديال 3 اشهر تعطيه لوفيس ترونشي الحق انه يدير طلب ديال رخصه العمل سميتها بيرمي بي باش انه يجدد باش يدير الطلب او حتى في الحاله ديال الرفض ديال الطلب ديالو ديال بيرمي بي يقدر يعاود يبحث على عقد عمل جديد اخر في هذيك المده ديال 3 اشهر عنده الحق انه كل مره يغير سميتو مي عنده حق في هذيك 3 اشهر وكنصح بانه بالنسبه للمهاجرين اللي تلقوا الطلب ديال كونتراكت دو طرافاي ديال عقد العمل طلب ايجابي انهم يباشروا في اقرب باش يديروا الدوموند على حساب البيرمي ما يضيعوش داك الوقت ديال 3 شهور باش الى رفضوا لهم المره الاولى يقدر في المره الثانيه يعاود يدير واحد الطلب اخر خصوصا لحقاش هناك مده ديال 3 اشهر لتقديم طلب بيرمي ولفت هذيك المده ديال 3 اشهر أبدال بالنسبة لك أنت كأكتيفيست شنو تيبان لك في هذه الريغولايزاسيون ديال 2009 وشنو هي المشاكل اللي تيواجهوها لي سون بابي في هذه الحالة هذه وعلى حسب ما قال المحامي ديك الساعه بعض المشاكل وحلول ديالها بالنسبه للناس ديال سون بابير عندهم مشاكل كبيره كثيره وخاصه الناس اللي مدافعين دابا ريغوليزاسيون دافعين ريغوليزاسيون دافعين ان دوسي في لا كومين وتسناو لاجون دو كارتي يدوز عندهم المنزل ديالهم ابري هادشي كامل يعني كيدوز واحد الوقت طويل باش تفوت هاد لا بروسيدور ديال تاع لاجون دو كارتي خصو يكري خصو يكون عنده واحد مدخول باش يخدم باش يخلص المصاريف ديالو يخلص المدخول وداكشي المشكل اللي كاين دابا انه الا كان دفع الدوسي ديالو في زيترونجي ما يقدرش يبقى يتخصو القانون خصو ما يقدرش يخدم في قانونيا يعني غادي يدير بنادم يوفر المدخول ديالو اليومي يخلص الكرا ديالو يخلص المصروف يخلص انا عندي واحد السؤال يعني شخصيا بالنسبه ليك نتايا شخصيا كي كتعيش هذه المرحله ديال الانتظار كي كتعيشها وشنو هما هذه الفتره ديال الانتظار فتره صعيبه يعني المشكل اللي كنقول لك انا انه مثلا في قضيه ديال يعني المدخول اليومي ما تقدرش تخدم تشتغل قانوني الا خدمت غادي تخاف يكون عندك شي كونترول تصدق في مشاكل كبيره انه تكون اكسبولسي وتكون كونترول ديدونتيتي تكون تدخل في شي مشاكل اخرى الدوسي ديالك يعني تاثر على الدوسي ديالك يعني المشكل انه بام كيبقى يحير واش الا خدم يخاف من الكونترول ولا ما خدمش يبقى بالجوع وما يخلصش الكره ديالو يجروا عليه من الدار ويبقى في الزنقه يعني مشكله يكون عنده مشكل ديال الادريس مشكله ديال الادريس هذا هو المشكل. جيستمون كان المحامي تكلم على هذا المشكل ديال الادريس اللي بزاف ديال المهاجرين غير الشرعيين كيلقاوه سيرتو دابا في اللي كاينين في حاله الانتظار انهم خاص قال خاص اون فوا غادي اون فوا يكون شونجمون ديال الدوميسيل تحويل السكن يجب خاص يسينياليه في اقرب الاوقات. قبل نفوتوا لهذه خاصنا نهضروا على ان دوك لاجونت كارتي اللي ما تيقبلش الانسان فانه داك السكن اللي قال لك ساكن في الكراج ولا ساكن في هادي انه من حقه يتصل بالمحامي. المحامي نقطه مهمه هذه لان هذه بزاف الناس تيعانيوا من هذا المشكل. لاجونت كارتي ما عندوش الحق يرفض السكنه بداعي انه ليس هناك شروط اساسيه للعيش. واذا كان انه خصو غير يشوف بانك راك هنا ساكن الادريس ماشي شغله هو انه نقي ولا ماشي نقي ديك تتما تاكد من الوجود ديالك في التراب البلجيكي وخصوصا في هذاك لا كومين هذاك هو الاهم. عاد دابا نقدروا نفوتوا مع سعيد النقطه الثانيه كان بغى يقولها ديال بالنسبه كما قلت المهاجر اللي كيبدل السكنه ديالو خصو يصيفط واحد الطلب ريكوموندي افيك اكيزو دو ريسيبسيون يصيفطو لوفيز اترونجي. هذا في حاله الا كان الطلب ديالو ديجا كاين في لوفيز اترونجي. الى ما كاينش الى باقي مبلوكي في لاكومين خصو يدير طلب لاكومين جديد باش يعني ملاحظه صغيره كيما سينو تقدر تريسكي بانه الدوسي ديالو يمشي ليه بحال الا ما دار والو ويصدق ديما في الحاله ديال ملاحظه صغيره. يعني الانسان باش غادي يعرف بانه كاين في الدوسي ديال فلوفيس تروجي فاش تيدير الطلب ديال النيميرو اس بي فاش تيكون عنده نيميرو اس بي يعني تيتاكد بان الطلب ديالو كاين في لوفيس ترونجي. فاش ما تيكونش عنده اس بي يعني نيميرو الدوسي ديالو في لوفيس ترونجي يعني فاش ما تيكونش عنده انه مازال الدوسي ديالو راه مازال كاين في لاكومين وانه خصو يتاكد بان الدوسي ديالو فعلا تم ارسال ديالو لوفيس ترونجي باش ياخذوا الطلب ديال هذيك المرحله المهمه انه خصو يكون في بين الرصوف ديال لوفيس ترونجي بدل ما يكون في لاكومين لدي تأخر. يعني في تلخيصا بعض النقاط عندك ما تضيف عبدال بالنسبة للناس اللي دفعوا الدوسي ديالهم لوفيز اترونجي وداز عندهم لاجونت كارتي ودابا داز مثلا عام وثلاث شهور ولا وبغى يشونجي لادريس ديالو يعني من الحق ديالو يشونجي لادريس عنده الحق يشونجي لادريس ولكن خصو يعلم أولا المحامي ديالو يصيفط المحامي ولا لاسيسون سوسيال يعني الجمعيه للمساعده الاجتماعيه يصيفط ريكوموندي لوفيز اترونجي يعلمهم يسينالي لهم بانه شونج لادريس لادريس اكشويال ويصيفط عاوتاني لتر كوموندي لاكومين يعلمهم باش انه في لا نوفيل ادريس لادريس الجديد باش ما يكونش عنده شي مشكل في النهار اللي يجاوبوه يصيفطوا له لادريس قديم يصدقوا ما لقاوش ما لقاوش الشخص في السكن جيست avant un dernier arrêt médical une petite traduction du témoignage de Abdel qui est aussi un sans papier en attente de réponse. Donc il explique un petit peu son quotidien, il dit qu'en attendant cette réponse c'est toujours la peur et le doute qui domine et le stress et c'est encore pire parce que maintenant le dossier est déjà déposé donc à chaque faux pas c'est-à-dire soit un contrôle dans un lieu de travail ou un contrôle comme ça, il y a toujours cette peur là, est-ce que ça va pas influencer sur le dossier. Donc voilà, c'est une situation toujours une situation précaire mais encore plus précarisée par ce doute et ce flou là qui domine. Donc alors avant qu'on passe à la musique, on rappelle juste les gens qui ont déjà préparé leur bic pour annoter le numéro de téléphone pour communication, de poser des questions. Alors c'est 02 73 20 450. Je répète 02 73 20 450. Musique. Allez. Bonjour, nos écouteurs, nous sommes toujours à Radio Panique, à La Voix sans frontières. On va commencer avec les actualités. Finir plutôt. On va finir, c'est vrai, avec les actualités. Il y a pas mal de choses qui sont passées les dernières semaines, les derniers mois plutôt. Pour juste être bref, on va parler de l'occupation Chartreux et la grève de la faim, une occupation à rue Brogny aussi avec 150 personnes sans papier et leurs expulsions, et aussi sur les choses qui sont passées avec les centres fermés et les déportations. On va parler sur les occupations de riz. Rue Brogny, tentative d'expulsion, manif, expulsion effective. Le 9 février, une occupation est faite à la rue Brogny 27 avec l'accord du propriétaire pakistanais. Ils ont tous des demandes de régularisation pendantes depuis plus d'un an, car ils ont introduit un dossier entre septembre et décembre 2009, sous les instructions ouvertes par le ministre à cette date. Leur demande se réfère au point 2.8b de cette instruction. Ils ont tous un contrat de travail et bonne et due forme en Belgique qu'ils ne peuvent entamer faute de réponse du ministre. Première tentative d'expulsion le jeudi 10 février vers 17h. Mais le bourgmestre d'Anderlecht n'est pas d'accord et une première tentative d'expulsion commence le jeudi 10 février vers 17h. Une centaine de policiers étaient présents. Mais à ce moment-là, ils se sont retrouvés avant une mobilisation assez massive. Pas seulement des activistes, mais aussi des côtes de voisinage à la télé étaient présents aussi. Résultat, retour de la police aux casernes. Empêchement d'expulsion réussite. Le 27 février 2011, manif devant le cabinet Watley. Devant le bureau du ministre de la politique de l'immigration et asile, Melchior Watley, une manifestation regroupait la plus grande partie des 150 occupants de l'arrêt Brogny, 5 présentants de 25 grévistes de la faim de l'arrêt de Chartreux et leur situation. Tous demandent une décision de l'administration concernant leur demande de régularisation. La plupart ont en effet déjà entendu de 6 mois à plus d'un an que ces décisions soient rendues dans le cadre de la régularisation ponctuelle décidée par la Belgique à la rentrée académique 2009, en attendant qu'on leur réponde. Ces personnes n'ont pas la possibilité de travailler légalement. Bon, toutes les occupations et la manif, qu'est-ce qu'est le résultat finalement? Malheureusement, c'était une expulsion de leur occupation à rue Brogny. C'était le 24 février et selon un témoignage, l'expulsion a pris départ vers 7h30 du matin, mais seulement averti quelques heures plus tard, le soutien était bien trop tard pour empêcher l'expulsion. La rue était barrée par les flics à chiens, les clôtures avec bâches bleues étaient mises, chaque approchement était impossible. On était aussi trop peu pour mettre de la pression. Des policiers masqués entraînent et sortent le bâtiment. Les voisins regardent de leur balcon. Deux photographes ont essayé d'entrer un des appartements à côté pour avoir une meilleure vue, mais les habitants étaient intimidés par la police. Un monsieur avait pris des photos lui-même et était obligé de les effacer sous menace d'être arrêté aussi. Un flic en civil avait aussi suivi les photographes dans le bâtiment. Les forces de l'ordre n'avaient pas oublié ce qui s'est passé pendant la dernière tentative d'expulsion. À ce moment-là, ils sont se retrouvés devant une mobilisation assez massive. Mais cette fois-ci, ils étaient vachement bien organisés. Donc, vers midi, le bus est parti avec tous les occupants dehors de nos vues, direction Portal. La majorité des militants raflés hier par la police à Anderlecht sont dans un entrepôt qui s'occupait légalement, a finalement été relâché, mais 17 ont été incarcérés dans les centres fermés. L'administration du ministre Watley en a envoyé 7 au centre fermé de Bruges et 10 à Votem, centre fermé de Liège, dont tous les porte-parole du groupe des 150 Pakistanais. Ces militants avaient rencontré le cabinet Watley et le bourgmestre d'Anderlecht la semaine passée. Et donc, voilà, le résultat, c'est ça n'a rien aidé, c'est devenu même pire. L'UDEP, quand même, qui soutenait l'occupation de rue Brony, va lancer une demande de soutien à ses partenaires institutionnels comme la CIRE, la CSC, la FGTB de Bruxelles, la Ligue des droits de l'homme, afin qu'elle effectue une visite dans le centre fermé où sont incarcérés les 17 militants pakistanais. Tantôt, on a juste déjà parlé avec aussi que les grévistes de la faim de Chartreux étaient présents à la manif devant les cabinets avec le groupe des occupants de rue Brony. Ce qui a passé maintenant avec l'occupation de Chartreux, donc ça fait presque c'était 78 jours qu'ils étaient dans le bâtiment de Chartreux et qu'ils faisaient la grève de la faim. Et on a entendu qu'hier, ils ont arrêté leur grève de la faim et on espère qu'ils ont quand même trouvé une solution pour eux, mais on ne sait pas plus. Le fait, c'est qu'il y a passé encore avant, que le 10 février aussi, il y a en solidarité avec les grévistes une trentaine de citoyens belges et indignés par cette situation ont entamé une occupation dans les locaux de CDH. Ils ont refusé de sortir des bâtiments tant que les revendications de leurs 25 amis n'auraient pas abouti. Donc les grévistes qui étaient à la rue Chartreux sont aussi ceux-ci qui sont en Belgique depuis près de 10 ans pour certains, 20 ans pour des autres. Lors des grèves de la fin de 2009, ils avaient bénéficié d'une carte orange valable 3 mois et renouvelable. Mais cela s'est avéré un cadeau empoisonné. Le statut ne permet pas de trouver un emploi. Et donc, ils ont donc été maintenus en périphérie du marché du travail et voués à la précarité la plus totale. Et c'est pourquoi qu'eux, ils exigent avec leur grève de la faim un permis C qui leur permettra enfin de vivre dignement en Belgique. Pendant cette occupation au CDH, il y avait une conférence de presse, la télé, l'RTBF étaient sur place, mais à ce moment-là, le ministre Wattelet n'a pas voulu les accueillir. Il a parlé avec les grévistes, mais vraiment pour dire « bon, on ne peut rien faire pour vous, ce n'est pas ma responsabilité, moi je ne peux rien dire pour vous ». Par contre, tout ça ici, les occupations, ça se passe à Bruxelles. Mais comme vous avez entendu, les occupations, donc il y a quand même des expulsions, des occupations. Il y a maintenant des gens dans le centre fermé. Mais aussi, déjà depuis quelques mois, il y avait de plus en plus de gens qui reçoivent leurs réponses négatives sur la campagne de régularisation et qui sont aussi en centre fermé pour le moment, où il y a pas mal de contacts maintenant avec les GSM qui peuvent avoir maintenant dans les centres. Et donc, de jour en jour, il y a plein de témoignages qui sortent de centres fermés. Et c'est pour ça, dans la semaine du la passée, c'était plutôt le 15 février, un jeune détenu égyptien de 18 ans était emmené par quatre gardiens du centre fermé 127 bis dans une cellule d'isolement afin d'y être insulté, menacé, menotté, puis passé à tabac. Il en sort traumatisé, le corps tuméfié. Apparemment, il s'est géré d'ici d'une mise en condition avant son expulsion vers l'Italie, prévue pour la semaine prochaine. Tout en le battant, les gardiens, lui, ont ainsi signifié que résister à son expulsion serait inutile, qu'il serait alors à de nouveau battu et qu'il ne devait pas tenter de revenir en Belgique par la suite. Cet témoignage-là, de plus en plus, en fait qu'il y a une solidarité qui était pour y aller à le centre fermé 127 bis le dimanche, le 20 février, pour aussi avoir la presse là-bas, pour vraiment dire les témoignages et pour sortir les témoignages sur place, comme ça que les gens, les opinions publiques, tout le monde peuvent entendre les témoignages forts qui sortent dans, de centres fermés. Cette manifestation qui était devant le centre, apparemment, c'était aussi parce qu'il y avait aussi un grève de la faim à l'intérieur du centre pour soutenir le jeune égyptien. Et la tension était déjà très détendue. Et au moment que la manifestation est venue là-bas, il y a le feu qui était mis dans le centre fermé. Finalement, il y a toute une révolte qui était déclenchée dans ce centre fermé. Il y a une personne qui a pu échapper dans le tumulte. Voilà. Ça, c'est un petit peu les actualités. On passe maintenant à la musique pour faire un... Ok. Ouais. Mais sinon, l'agenda, il y a quand même des choses qui vont passer cette semaine prochaine. C'est cet après-midi, il y a de nouveau une manifestation devant le centre fermé de Votem à Liège. Pour ceux qui sont transférés de Steenhuizen et aussi les Pakistanais qui se trouvent là maintenant. Donc ça à 4h cet après-midi. Et en plus, le jeudi le 3 mars, donc ce jeudi à 8h40, il y a un soutien nécessaire pour les étudiants du CAS qui sont toujours encore en justice. Espérons que c'est la dernière séance et espérons que c'est un résultat positif pour eux. Mais il faut vraiment le soutien là et il faut être là à temps parce que c'est toujours des séances clôturées. Donc il faut montrer le soutien avant que la séance commence. Voilà. Merci pour le groupe. C'est toujours par appel Radio Panique. C'est le groupe, c'est Saïd, Gwendoline, Anas, notre invité Abdel, notre nouvelle technicien Céline avec Maïka et Guillaume et moi Faisal. Au revoir, à la prochaine fois.